بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ماذا أخذنا في الدرس؟ التعارض. تعارض. نعم. سيكون التعارض؟ ما الضابط؟ تقابل الدليلين مخالف أحدهما الآخر. نعم. يعني incompatibilité, une contradiction entre deux dalils. وَذَكَرْنَا أَنَا أَقْسَمِ التَّعَارُضِ أَرْبَعَةِ quatre entre deux dalils qui sont عام. D'abord, on essaie de faire un jam. Après, si on ne peut pas, on fait on regarde le nasr, si on connaît le talir. Après, si on ne connaît pas, on regarde le arjah, enfin tarjih, celui qui est plus fort que l'autre. Si on ne peut pas, on s'abstient. Pareil pour deux dalils khas. Après, si on a un dalil khas et عام, qu'est-ce qu'on fait? Non. Et après, si on a un dalil am d'un côté et khos d'un autre, on condamne le khos sur le am de l'autre, et ainsi de suite. Après, on a pris tartib al-adillah, l'ordre. Quel dalil on fait passer en premier? Tazkour? Chien min zalik? Al-nas al-zahir. Non, zahir al-mu'awwal. نعم المثبت على النافي je précise مثبت على النافي ne pas confondre avec le ناهي ou المحظور على المبيح ne pas confondre entre l'interdiction et l'autorisation et la chose qui est négative et la chose qui est positive c'est pas pareil parce que même dans les ahkam justement de l'usul al-fiqh Si demain t'as un dalil qui autorise et un qui interdit, al-ma'ruf wa taqdim al-mahzour ala al-mubih. On condamne celui qui interdit à celui qui autorise. C'est ahwat, c'est plus prudent. Là, al-muthbit al-nafi, c'est pas pareil. Là, c'est une chose qui affirme une chose et une autre qui est une négation. Tu condamnes l'affirmation ou la négation. Et ce qu'on avait pris dans. Vas-y. عن الاصل مبقي عليه celui qui sort de la base مقدم sur celui qui reste sur la base صاحب القصه العام المحفوظ يقدم على غير المحفوظ العام qui n'a pas de tarsis المقدم celui qui a un tarsis صاحب القصه اعلم نعم صاحب القصة أعلم يعني مقدم على غيره celui qui est concerné par l'histoire comme l'histoire de Mimouna ibn Abbas et ça c'est également ça rentre dans la règle أن من علم حجة على من لا يعلم celui qui a su est un argument celui qui ne sait pas ça c'est aussi une règle dans le Moustalah et cette qissa affirme cela celui qui a su une chose que d'autres n'ont pas su il est مقدم مثلا dans le جرح وتعديل le عالم qui a un جرح مفسر et les autres ulama ils connaissent le majrouh avec un ta'dil mujmal, am, celui qui a un jarh mufassar et qui amène l'épreuve, il est muqaddam. Pourquoi? Parce qu'il a un surplus de science. Il sort également dans quoi? Dans un naqil an l'asl. Il sort de la base. À la base, lui, c'est un muslim, mustaqim, fait la salat, fait le siyam, kada kada. Donc le asl, c'est à la zahir, dans son apparent, s'il a toutes les choses qui amènent à cela, il est mustaqim. En plus, d'autres gens le connaissent comme étant quelqu'un de bien, de studieux, de mujtahid, de véridique, kaza et kaza. Et l'autre a vu des choses, a su des choses que les autres n'ont pas su. Donc lui, on le condamne. Même s'il est tout seul. Al-Jami'a al-Qadri al-Dhanni. Al-Dhanni, naam. Al-Qiyas al-Jali al-Khafi. Ahsant. Tayyib. Wabab al-Mufti wa al-Mustafti. المفتي والمستفتي dans la fatwa قال المفتي هو المخبر عن حكم شرعي مفتي celui qui informe des حكم شرعي celui qui fait la fatwa مستفتي هو السائل عن حكم شرعي celui qui interroge à propos d'un حكم شرعي celui qui interroge le مفتي ça s'appelle le مستفتي شروط الفتوى conditions pour faire des fatwa يشترط لجواز الفتوى شروط منها اولا ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينيا او يقينا او ظنا راجحا الا وجب عليه التوقف qui est obligatoire pour le mufti de connaître le jugement qu'il va émettre avec certitude ou alors avec une pensée prépondérante, c'est-à-dire l'avis qu'il voit, quand même, il le voit comme étant le prépondérant. Ou sinon, il doit s'abstenir. Et il dit Allahu A'lam. Première chose. Fa'aniyan, an yatasawwar as-su'al tasawwuran tamma, yatamakkan min al-hukmi alayhi. Fa'in al-hukmi ala shay'in, fur'un an tasawwurihi. Qu'il ait réussi à parfaitement concevoir la question. La question l'a bien assimilée pour pouvoir émettre un jugement. Car le jugement sur une chose, ce que tu as émis comme jugement d'une chose, ce jugement est une branche justement de comment tu assimiles cette chose-là. Donc si jamais tu l'as mal assimilé, tu vas mettre un mauvais jugement. Tu vas émettre un mauvais jugement. Comme Yuqal, je dis souvent dans les doulous avec les frères, Man fahima as-su'al law nissa al-jawab. Quand tu poses une question à quelqu'un, celui qui a compris la question et la moitié de la réponse. Déjà. Au minimum, il va te dire Allahu a'lam. Et ça, c'est l'ilm. Allahu a'lam. Celui qui n'a pas compris la question, il va te répondre des choses qui n'ont rien à voir. S'il va dire c'est vrai, il va sortir un tafsil de Adjilé, on va dire Na'am, barakallahu fik. C'est pas ça que je t'ai demandé. Moi. Là, ta réponse est leur sujet. Donc, par rapport à la question, ta réponse, elle est fausse. Mais par rapport au char, ce que tu dis, c'est peut-être c'est vrai. Donc quelqu'un il te dit Kem arkem salat. D'accord? Tu lui dis Kem arkem salat. Combien de rukn à la salat, de piliers? Il va te dire Arkem l'islam, khamsa. Après, tu les sors avec le dalil. Il dit Taïeb, tu connais arkem l'islam, mais moi je t'ai pas demandé l'islam, je t'ai demandé la salat. Donc lui, par rapport à ta question, il a eu tort. Mais en vrai, ce qu'il a dit, est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Mais c'est hors sujet. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه وإن كان يحتاج للتفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. Et si jamais que le mustafti, des choses lui ont échappé par rapport au kalam, afwan, si jamais le mufti, il y a une chose qui lui a échappé par rapport au kalam du mustafti, du questionnaire, et qui a besoin de détails, il lui demande de détailler, plus de précision. Ou alors, si jamais, des fois, ça peut être une question sur une feuille ou quoi, ou qu'il n'a pas le temps de demander au Mustafti, donne-moi un peu de détails. Qu'est-ce qu'il fait, le Mufti? Il fait une question, donne une réponse, et dans la réponse, il donne le détail. Lui-même. Il y a une question qui est un peu rare, mais lui, il vient et dit, donc, dans ces conditions-là, alors, ça peut être ça, ça, ça. Ou également, ça peut être ça, ça, ça. Et si la situation est telle, de telle, telle sorte, ça peut être ça, ça, ça. Il détaille bien. Comme ça, Inch'Allah, il n'aura pas échappé au mourad du questionnaire. Parce que des fois, les gens font des questions, tu ne sais pas vraiment où est-ce qu'ils vont venir le questionnaire. Donc toi, tu fais quoi à ce moment-là? Tu fais une réponse d'ensemble. Avec les différents points de vue, en répondant à chaque point de vue. Et là, force Inch'Allah, il va trouver ce qu'il a voulu, le questionnaire. Thalithan, an yakuna hadi al-bal, yatamakkan min tasawwur al-mas'ala, wa tadbiqha ala al-adilla shar'iyya. فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب او هم او ملل او غيرها. Donc maintenant également il faut qu'il soit à ce moment-là calme en toute quiétude, le mufti, quand il pose la question, pour qu'il puisse bien concevoir, assimiler la question et pouvoir appliquer dessus la dilla shar'iyya qui correspond. Comme on l'avait pris hier, ou plutôt dans Qiyas, la salaine, quand il est dans une grande colère, une chose qui le déconcentre, ça, il ne fait pas de fatwa. Que ce soit, masalan, des soucis qui le perturbent, ou une grande faim, ou une envie d'aller aux toilettes, ou rien des alikas, il ne fait pas de fatwa à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas être neutre. Il va être pressé. Mais maintenant, ce n'est pas toute colère qui empêche la fatwa. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme afta ou radban. C'est la colère vraiment qui fait que tu n'arrives plus à réfléchir. Taïb. Donc ça, c'est les trois shurutes pour... Il y en a d'autres, hein. Là il parle des principales. Pour pouvoir émettre la fatwa. قال ويشترط لوجوب الفتوى شروط. Maintenant, à quel moment il incombe au mufti de répondre? Car ce n'est pas toute personne qui pose une question à un mufti, forcément qui répond. Mais à quel moment cela lui est obligatoire de répondre? أولاً وقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. Donc maintenant, parmi les choses, il faut que la chose à laquelle on t'interroge, elle se produit. Car si ce n'est pas une chose qui se produit, ce n'est pas obligatoire qu'il demande. Car il n'y a pas de darura à ce moment-là. Hormis, c'est une question d'un questionneur qui veut apprendre. En ta'alloum. Car il n'est pas besoin de cacher la science. Donc à ce moment-là, Mufti répond. Tu as besoin d'appliquer la réponse? Il va dire non, je demande comme ça. À ce moment-là, le Mufti n'est pas obligé de répondre. Maintenant, c'est un talib, c'est une masse. Ah là, il apprend là ou c'est autre chose? Mais quelqu'un qui vient poser une question d'une chose qui ne le concerne pas sur le moment, qui ne lui arrive pas ni rien du tout, le mufti n'est pas obligé de répondre. S'il veut, il répond. S'il ne répond pas, là, chez Ali. Thaniyan, an la yu'alam min hal sa'il anna qasdahu at-ta'annut aw tatabbu' al-rukhas aw darb ara al-ulama ba'daha bi ba'd aw ghayr dhalika min al-maqasid as-sayyi'ah fa inna 'ulima dhalika min hal sa'il lam tajib fatwa. Également, il faut savoir que le questionneur, son but, ce n'est pas ta'annout, c'est poser des questions, juste pour poser des questions. Mais il ne compte pas appliquer. Ou alors, il cherche une rukhsa. Il a un hal dans lequel il connaît le jugement à la base de faire telle et telle chose, mais il ne veut pas la faire. Il cherche une échappatoire. Il veut une fatwa pour le sortir de son embarras. Ou alors, qu'est-ce qu'il veut? Demander à un alim telle fatwa pour pouvoir après aller voir un autre alim pour dire, regarde, Chafoulan, il dit, il y a Koulkaza. Pourquoi? Pour faire le tahrich entre les deux. Ou autre, parmi les mauvaises intentions. Si jamais on a décelé cela du questionnaire, parce que tu as des gens, tu décèles cela, ils veulent la fitna, ils veulent faire des problèmes. Ils ne veulent pas l'ilm. Lui, juste en posant sa question, il a un mauvais cause. Donc si le mufti sent cela de lui, il ne répond pas. Des fois, tu as des gens, ils veulent quelque chose. Par exemple, je sais pas, moi, t'en as un, il a fait la hijra, et khalas, il veut rentrer au pays de Kouf. Il cherche une façon de se justifier. Il va voir un mufti, il va dire, yashir, il dit kaza wa kaza, shir, isbir, patiente. Non, la kin shir, il dit kaza wa kaza wa kaza, il dit, isbir. Non, mais shir aussi, il faut que tu saches que kaza et kaza et kaza. Shir, toi, tu veux rentrer, toi, en fait. Tu veux que je te dise, il y a juzlak. À ce moment-là, le shir, qu'est-ce qu'il va faire? Shir, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Lui, c'est pas, il voulait que tu rentres. Mais il voyait que c'est ce que tu voulais. Et quoi qu'il dise, il sait que tu vas rentrer de toute façon. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait une nasiha. Au moins, il minimise les dégâts. Il a dit, qu'est-ce que tu as à faire? Il t'a qu'il a fait une nasiha dans le sens, si tu rentres là-bas, accroche-toi au djinn, à kaza, fais attention à Marassi. Et les gens disent, khalas, chien, il m'a dit que je peux rentrer. Non, il t'a pas dit que tu peux rentrer. Mais il a vu que tu voulais rentrer. Et comme il a pas voulu te mettre dans le dick, il t'a laissé une parole pour te faire comprendre que fais ce que tu as à faire. Mais si jamais tu le fais, alors au minimum, fais kaza. Que des gens disent, je suis tellement autorisé. Ouais, mais comment tu as posé la question? Et même si Shir est autorisé, il faut savoir une chose. Hein, Shir, il t'autorise. Ça ne veut pas dire que c'est juste ce que tu as fait. Le Shir en lui-même, ce n'est pas lui le Shari'a. Le Shari'a, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La législation. Ce n'est pas le Alim qui l'a fait. Le Alim, lui, te donne le Hukm Shari'i. Le Hukm, ce n'est pas lui qui l'a décrété. Parce que des gens, ils ont pris des fatwas, c'était quoi? C'était comme des Adillah. C'est bon, j'ai une fatwa, je peux faire ça. La fatwa, elle est fausse. Non, mais j'ai une fatwa, Shir, il m'a dit, je peux faire ça. On dit, mais la fatwa, Khalif Adillah. Lui, comme il a une fatwa, comme les chrétiens avec leur prêtre. Quand il a dit, vas-y, mon fils, tu peux faire telle chose, khalas, j'ai la bénédiction du prêtre, je peux faire telle chose. Pour eux, c'est comme si, dans leur version eux, Dieu a dit que le prêtre peut décider pour vous ce que vous avez à faire. Si le prêtre vous dit oui, c'est oui. Si vous dites non, c'est non. Non, l'islam, non. Fahimt? Ittabi'u, non zil alaykum min rabbikum, wala tattabi'u min duni awliya, qalil ma tazakkaroun. Suivez ce qui est descendu de votre Seigneur. Et le alim, lui, c'est quoi? Il est un intermédiaire pour que tu saches ce que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu n'as pas compris, le hukm qui a été établi sur cette mas'ala. C'est tout. Mais lui, il n'a pas de pouvoir de dire halal, haram de lui-même. Là. Et ça, c'est très fréquent à cette époque. Beaucoup de gens avec les ulama. Où ils cherchent le alim le plus souple pour avoir la réponse qu'ils veulent. Je n'aime pas le chef. Pourquoi? Il est trop dur. Le patron dit ce qu'il dit la vérité. J'aime trop Cheikh Foulel. Pourquoi? Ah, parce qu'il est trop souple. Il est trop souple, il est trop laxiste. Parce qu'il te dit ce que tu veux entendre. Et ça, c'est énormément, tu vois, des gens comme ça. Des gens, ce sont pas des ulama, mais comme ils savent qu'ils vont tout le temps dire oui, ils vont les voir. Et d'autres, c'est des ulama, mais comme ça, ils vont te dire non, mayajouz, ils vont pas les voir. Ils fuient le haq. ثالثا الا يترتب على الفتوى ما هو اكثر منها ضررا فان ترتب عليها ذلك وجب الامساك عنها دفعا لاشد المفسدتين باخفهما également cette fatwa peut émettre une mafsada plus grande que si jamais le alim devait se taire. Des masail, si tu questionnes le alim, il te dit il y a juste telle et telle chose ou quoi, et qu'il y a une mafsada derrière, il peut ne pas te répondre. Il peut ne pas te répondre. Parce qu'il se dit, si jamais tu te dis oui, si jamais tu appliques cette fatwa, il se peut qu'il en découle par la suite des problèmes plus grands encore. Et si jamais le chien voit que le sahil, il est aqil, il veut l'expliquer. Il peut lui dire, naam, telle chose est permise, mais si jamais tu le fais, on craint pour toi qu'il se passe cela et cela, donc le meilleur de ne pas le faire. Et tant là, quand ils ne comprennent pas, le chien ne répond pas. Il a vu, lui, il a, je vois, c'est quelqu'un, il n'est pas fahim. Je ne peux même pas lui expliquer. Il va voir, lui, il est fahim, je lui expliquais. Lui, alim, il peut faire un tarsis sur les gens dans les masail. Lui, il voit que lui, c'est quelqu'un qui est concentré, qui est mustafid. Il va lui expliquer, prendre plus de temps avec lui. Et d'autres, ça va être plus, tu vois, à la tariq, comme ça. Parce qu'il est une firasa, une physionomiste. Il arrive à peu près à voir des indices sur les gens pour savoir qui est comment, dans certaines situations, pour pouvoir savoir quoi dire, à qui le dire et quand le dire. Et comment le dire. Les gens, c'est pas pareil, après. Comme quand les Ali, Nabi Talib, حدثوا الناس بما يفقهون ويفهمون اي تريدون ان يكذب الله ورسوله كما نقول كتاب التوحيد دو بالو جون سي كومبرن اسكو فو فولي كو فو فولي كو الله يسمى سي سو ديمونتي اي لي شوز او جون فو با لور دير سو بوز دو ديغا كوتر شوز اي ابري سا كومون تو سي سي كو لو تان فون طلب العلم اي سورتو كو العلماء تربيه العلماء تو سورا كومون اجير ان شاء الله كل سيتواسيون كون بارلي كون با بارلي. Quel call il est bon de dire et celui qui est évité à réaliser les cas. Ce m'a parlé. Mayerzem el Mustafti. Maintenant, les choses qui incombent au questionnaire. Yerzem el Mustafti umurun. El awel en yuri bi stiftaihi el haq wal amel bihi. Wala tatabu a rukhas wa ifham el mufti wa réaliser les cas min makasi de seyyar. Donc, le Mustafti, le questionnaire, ça revient au point précédent, le moment qui incombe au mufti de répondre. Que ce mustafti, quand il pose une question, c'est quoi qui lui incombe? De vouloir la vérité et de vouloir appliquer. De ne pas chercher les autorisations seulement. Ou de pouvoir, Nassalène, de vouloir juste poser une question à lui pour le faire taire. Pour après faire un écache avec lui. Par exemple. À part si c'est le mufti, c'est quelqu'un, c'est un mouftil et tu veux le dévoiler aux gens. Ça, c'est autre chose. C'est un moutadir ou c'est un jahil, réellement, tu montres aux gens, regardez un tel. Là, c'est autre chose. Lui, il parle du asl. Qu'on reste sur un husn al-dhon, qu'on a un mufti, wari', tayyib, muttaqi, ghayra dhalika. Donc, il faut qu'il y ait une bonne niya lorsqu'il pose la question. Thani, Allah yastafti illa man ya'lam ou yaghrib ala dhonni annahu ahl fatwa. Qu'il ne questionne que les gens qu'il voit comme étant, ou qu'il pense comme étant les gens de la fatwa. Ne demande pas n'importe qui. Par exemple, en France, on a ce fixe de, je sais pas pourquoi, que l'imam, forcément, du masjid, faut poser des questions à l'imam du masjid. C'est lui l'alim. On dit, mais alzam, un imam, c'est un imam. C'est pour ça que c'est un gros jahil, il connaît le Coran, il sait c'était le Coran, et on l'a peut-être, il s'est même pas resté, mais dans nos quartiers, c'est lui qui connaît le mieux. Et le reste, il connaît rien du tout. Aqida, sif, zéro. Fiqh, sif, zéro. Par exemple, nahou, sif. Les gens vont dire, ouais, j'ai un problème. On va l'imam, on va demander à l'imam. Mais l'imam, c'est qui l'imam? Parce que derrière lui, il y a des gens qui sont alam minhou. Juste lui, c'est l'imam. Il était payé, son poste, c'est de faire de présider la salat. C'est tout. Et tout derrière lui, il est tout l'âme. Ou des gens qui ont étudié, qui ont. Et ils sont venus de passage comme ça, où ils habitent là, mais c'est pas eux l'imam. C'est pas le Afar Talib Urim, il vient dans un masjid, khalas, il prend la place de l'imam. Là, il y a le Zamada. Le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il regardait, comme on a appris ici, les garder aux gens leur statut. Quand il y a mis l'islam en place, maintenant, les gens qui avaient les clés de la Kaaba, ils leur ont laissé à eux. Pourtant, il y avait « atqa minhum », il y avait, mais comme ça a toujours été chez eux, de génération en génération, pour pas faire de fitna, les jeunes leur ont laissé leur statut. Lorsqu'il est rentré à Mecca, il a dit quoi ?« Man dakhala bayt Abi Sufyan fawa amin ». Celui qui rentre dans la maison d'Abu Sufyan, il sera en sécurité. Parce qu'Abu Sufyan, c'est quelqu'un qui avait un grand rang chez Quraysh. C'est pas il est arrivé, il dit « Khas Abu Sufyan, allez ». Non. Il est arrivé, il sait qu'Abu Sufyan avait un statut, il respecte ce statut, pourquoi ? Pour que les gens restent à leur place, pour pas faire de fitna. Donc, tu vas demander aux gens qui sont aptes à mettre des fatwas. Et comme il a dit dans le short d'avant, cette fatwa-là également, c'est quoi ton but ? C'est pas chercher une autorisation, comme des gens y font. Ils vont voir des gens particuliers car ils savent qu'un tel, il va me dire oui. Un tel, il va me dire oui. Un tel, allez, comme certains m'ont dit, il y en a, ils écoutent leur douloureux parce qu'ils font rire. Tu vois ? J'aime bien chaque fois pourquoi il me fait trop rire quand j'écoute ces douloureux. Donc c'est quoi que tu veux ? Tu veux la science ? Tu veux l'humour ? Si tu veux la science, un tel, peut-être qu'il en a un petit peu, mais il y a peut-être plus avant que lui qui pourra te donner mieux. Moi, tu veux rigoler, c'est rigoler même. Le boucher du coin peut te faire rigoler. Naam. Et il dit également qu'il doit choisir celui qui voit comme étant le plus fiable et le plus pieux. Qui a plus de wara. Il choisit pas celui qui préfère sentimentalement. Mais il voit que cher un tel mécène dans son digne, il a plus de droiture, plus de fermeté ou quoi, il va le demander à lui. Par exemple, demain, je sais pas, moi, t'as un frère qui a des marloumates, qui a étudié mécène, mais il est pas moustakim. Tu vois, je sais pas, moi, il s'habille mal, il fait des choses bizarres, il se taille la barbe ou je ne sais quoi. T'en as un autre, mécène, tu vois de lui en apparent que, khalas, il a plus ce qu'il a fait. Lequel des autres tu vas aller voir? Et ça se trouve, le deuxième, il a plus de Coran. Le premier, Afwan, qu'à la Babtaï ou quoi, plus de Coran. Ça se trouve, il a appris plus de Koutoub, en Hivz. Mais en Amel, tu vois qu'un tel, il applique plus. Et ben, tu vas voir celui qui applique plus. Qui a plus de Wara. Car ben, elles aiment, que ce soit comme on a pris hier, soit le plus savant, forcément. Il y a savant, après le savant, ils ont des degrés. Certains savants sont moins, ont moins de marlomate que d'autres, mais ont plus de Basira. Et ont plus de fermeté. الثالث par rapport au questionnaire toujours أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا كقول السائل طيب et qu'également lorsqu'il pose la question il fasse une question précise et fidèle à la situation. C'est pas il triche, il cache des choses ou il déforme des choses ou il enlève des éléments essentiels ou le contraire il en dit trop. Il dit ce qu'il faut. Nous souvent on reçoit des mails et ça c'est surtout chez les femmes. Je pose des questions, un long mail pour une petite question. Ça, c'est pas bon. T'en vois pas, c'est nous encore. Des petits lèvres, tu vois. Mais demain, tu vas voir un chien, tu poses une question, tu l'attrapes un quart d'heure, tu racontes toute ta vie pour une question, pour un truc. Le chien va dire, c'est, vas-y, abrège. Donne-moi l'essentiel, mon temps, il est précieux. Dis l'essentiel, les points essentiels détaillés par rapport à la question, tout le reste, il n'y a pas besoin. Les gens, il faut qu'ils apprennent à poser les bonnes questions. Car des fois, tu vois un truc trop long, tu ne veux même pas répondre. Tu dis, c'est trop long, j'ai pas envie de répondre. Ou des gens disent, ouais, cette question-là, posez-la à un chir. J'ai pas envie de dire la question. En plus, tu veux que je la traduise pour toi et que j'aille voir un chir. C'est trop de travail, ça. C'est pas comme ça. Tu sais, les gens, ils ont cru que, je sais pas, t'étais un secrétaire ou t'étais, je sais pas, moi, t'étais un fonctionnaire, t'étais dans ton bureau toute la journée, t'étais pour répondre aux questions. Non, c'est pas comme ça que c'est. Que ce soit nous ou d'autres, on parle. La question, tu l'abrèges, mais tu donnes les points essentiels. Et quand c'est un truc très important avec une daroura ou un truc, un muhim, naam. Mais souvent, les questions, c'est des choses souvent liées au mariage. Mon mari me fait ci, mon mari il est comme ça, moi il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Tu vois? Est-ce que je dois te demander le divorce? Souvent c'est ça. Souvent c'est ça. Je ne cache pas. Allah Moustahan. Arabia. An yantabi lima yakulu al mufti bihaythu lain salif minhu ila waqad fayma jawab tamaman. Qu'il écoute bien ce que le mufti lui dit comme réponse. Et qu'il ne parte pas tant qu'il n'a pas bien compris ce qu'il lui a dit. Pour ne pas après partir et aller déformer ce que le mufti lui a dit. Il va voir Shir, un tel, et il dit Souel. Le Shir dit Tafadol. Il le questionne. Le Shir, il a dit Femta, Nam, Fem. Puis après, il s'en va, en fait, il n'a pas compris. Ou il ne parle pas bien arabe, Mathalène. Ou le chir pour des termes que je connais pas, Masalan. Donc à ce moment-là, le chir, à fond. Si la chir, je voudrais bien comprendre. Donc ça veut dire ça et ça et ça. Le chir va dire non, c'est ça. C'est comme ça, non. Après, il s'en va. Pour avoir sa réponse comme il se doit. Ça a déjà fait des dégâts, ça. Des gens posent des questions à des machaires. Ils ont pas compris la réponse de chir. Et après, ils propagent. Et les gens, ils prennent cette parole propagée, traduite, ou je ne sais quoi. Et après, ils appliquent. Et après, ils disent, chir folan yufti bihada. Ah bon? Ou, regarde là, telle fois toi, ou dans tel site. Tout le site déjà s'écrit en français et tout. Donne-moi la réponse en arabe. Tu vois, en arabe, je dis, c'est pas ça que le chir dit. Le chir dit ça. Ah, dit, ah bon? Mais dans le site, il dit ça. Dans le site, c'est qui? Quand des gens aujourd'hui font des sites, ils parlent pas l'arabe ou très mal, ils ont pas fait le label im, les stylahat, ils les comprennent pas, ils traduisent, allez, traduction Google. Ils prennent Google, traduction Google, tu vois des catastrophes. Et des gens, ils retournent vers ces gens-là après. Dès que t'as une mas'ala, ils t'envoient un lien, site Foulen. Lien, site Foulen. Il fait un nikash ilmi avec quelqu'un, il y a un khilef, le site Foulen direct. Il y a un khilef. Oui, mais dans le site Foulen, il dit ça et ça et ça. Je te dis, khalas. Barakallah. On arrête là, c'est mieux. طيب سنقف هنا وغدا ان شاء الله سنخوض الاجتهاد كما قيل من تتبع رخص العلماء زندق celui qui cherche toutes les permissions des ulama ça devient un zindiq il va avoir un din qui sera plus du din tous les oui qui vont dans son sens ils les prennent et tous les non ils les délaissent même s'ils sont vrais Allah il va t'inventer une nouvelle religion celui-là. Quand les gens posent des questions, craignant Allah. Étonnant aussi, on dirait poser des questions pour poser des questions. Malheureusement. Ils n'ont rien à dire, mais il y a un chir. Ah, faut poser une question. Quelle question? Je ne sais pas, mais trouve-moi une question à poser. Faut poser une question. Et après, une question, elle est inutile. Des fois, c'est vrai, t'en as, ils ont des questions depuis longtemps en tête, ils les ont oubliées. Après, ils ont l'occasion de voir un chir. Ah, j'avais des questions, je les ai oubliées. Attends, je cherche. Et t'en as, ils ont, à la base, ils avaient rien de spécial, mais pour dire, on a vu chier un tel, on a posé plein de questions et tout. Juste pour dire, on a rencontré un chier un tel. Comme des gens, ils faisaient auparavant avec leur star. Pour dire, on a rencontré un tel, on nous a fait une photo dédicacée à un autographe. Maintenant, ils ont dit, on a vu chier un tel, on a posé des questions. Comme si, tu vois, c'était un phénomène, un truc extraordinaire. Ils ont gardé le fucre de la jahiliya avec leur célébrité et ils l'appliquent sur leur lama. Alal asaf. Naam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est beaucoup chier. Les Juhayb, évidemment, qui n'ont pas compris les bases de la religion et les bons comportements à avoir. Fahimta hadha, fa ila huna, walhamdu rabbil alamin.